suis foutu. Oubliant dans l'alcool l'animal qu'on abat. Du mouvement de foule qui vomit jaillissant. Le vin procure à l'homme un paradis décadent. Sans aucune compassion pour le taureau combattant. Et sous le pont du Gard coule une mer de sang. Les larmes versées par le crocodile, si abondantes soient-elles, ne pardonneront pas la barbarie des humains et la ribauche futile, oubliant dans la toile l'animal qu'on abat. Et toi, Touréador, est-ce que tu soutiendras le regard de l'enfant quand il te jugera? Par le crocodile, si abondante soit-elle, ne pardonneront pas la barbarie des humains et la ribauche futile, oubliant dans l'alcool l'animal qu'on abat. Les larmes versées par le crocodile, si abondante soit-elle, ne pardonneront pas la barbarie des humains et la ribauche futile.